Chapitre 7e. Après les événements que j'ai racontés dans les premiers chapitres, Julie quitta Georgievsk sans qu'Edmond pût savoir le lieu de sa retraite. On ne meurt pas de douleur, dit-on. Oui, mais on vit avec la douleur, et c'est cela qui est affreux. Edmond tomba dangereusement malade, mais sa jeunesse triompha du mal et de lui-même. Monsieur de Tolly ne quitta pas le chevet du malade, et ses soins dévoués hâtèrent la convalescence d'Edmond. Ah, que la vie paraît aride, quand notre âme a été possédée par un sentiment exclusif. Edmond fuyait la société. Monsieur de Tolly était le seul être au monde dont il put entendre la voix et supporter le regard. Rien ne venait donc interrompre l'activité de son âme, et ses forces revenues n'opposaient aucune digue à l'action dévorante de sa pensée. La terre ne veut pas qu'un malheur reste incomplet. La source des larmes est intarissable. Un temps d'amer chagrin se joignait pour Edmond le chagrin de l'exil. Il lui semblait, à lui, pauvre exilé, qu'il aurait moins souffert s'il avait pu respirer l'air embaumé de la patrie. Mais il était prisonnier sur parole, et l'honneur l'attachait à Georgievsk. Un jour, M. de Tolly entra chez Edmond, avec un visage moins soucieux que de coutume. « Que venez-vous m'apprendre ? » dit Edmond. « M'apportez-vous une lettre de Julie, de ma sœur ?» Et ce dernier mot expira sur ses lèvres. « Non, » répondit M. de Tolly, « mais je vous apporte la liberté. Un décret du monarque vous permet de revoir votre patrie. Partez, mon fils. Les devoirs d'homme et de citoyen vous attendent. Votre pays aura encore besoin de vous. Il vous reste une belle carrière à parcourir. Le courage avec lequel vous avez supporté des événements que je ne veux pas rappeler me donne la mesure de votre âme. Que cette âme si grande et si forte se dévoue à la patrie. Ce sont les grands malheurs qui font briller toutes les grandes vertus. La vie des nations ressemble à la vie des individus. Les peuples se corrompent dans le repos. Rome ne serait peut-être jamais parvenue à dominer le monde. Si attaquée dans son berceau par tous les peuples voisins, elle ne s'était vue contrainte à faire de son peuple un peuple de héros, toujours prêt à sacrifier leur sang, leur fortune et les liens mêmes de la nature au salut et la gloire de la patrie. Les grands hommes, les grands génies naissent presque toujours au milieu de l'adversité. Si vous avez perdu les joies du cœur, les joies de l'âme vous restent. Le dévouement, le sacrifice, la gloire, offrez tout à votre pays. Allez, mon fils, et rappelez-vous que la vie de l'homme est une lutte incessante. Edmond se jeta dans les bras de M. de Tolly et lui dit avec des larmes dans le cœur, « Jamais je n'oublierai ce que vous avez fait et ce que vous avez été pour moi. Je vais partir, je reverrai ma patrie, mais je laisse ici une affection que ni le temps ni l'absence ne détruiront jamais. » Le soir même, Edmond quitta Georgievsk. Il franchit les déserts, traversa la ville de Kiev, puis la Volhynie, et il touchait presque aux frontières de la Podolie lorsqu'il fut surpris par un orage affreux. Cet orage était tel que les chevaux ne voulaient plus marcher et que l'eau pénétrait dans la voiture. « Qu'allons-nous faire ? » dit Edmond à son domestique. « Tenez, monsieur le comte, » répondit celui-ci, « je vois près de la route l'avenue d'un château. Arrêtons-nous, demandons l'hospitalité pour la nuit. » « Tu as raison, » répondit Edmond. « Va frapper à la porte et fais demander au maître s'il veut bien donner l'hospitalité à Ostrorog. » Le domestique ne tarda pas à revenir et dit à Edmond qu'on voulait bien le recevoir. En entrant dans le vestibule, il trouva un jeune homme qui l'accueillit avec la plus franche courtoisie. « Monsieur, lui dit-il, venez, que je vous présente à mon père et à ma mère. » Edmond fut introduit dans un salon où il trouva M. et Mme W. et leurs enfants. Deux jolies jeunes filles travaillaient autour d'une table avec leur mère. M. W. jouait aux échecs, et ses deux petits garçons s'amusaient au milieu du salon avec un gros griffon. Le fils aîné, qui avait reçu le comte à son arrivée, se chargea de lui faire les honneurs de la maison. Edmond raconta en peu de mots son exil et les événements politiques auxquels il avait pris part avant qu'il fût fait prisonnier. Ce récit intéressa vivement la famille W, et avant la fin de la soirée, Edmond n'était plus un étranger pour elle. Chacun le questionnait avec un intérêt d'émotion et non avec cette froide curiosité qui arrête la parole et qui glace l'épanchement. On causait cœur à cœur, on s'animait, quand tout à coup la conversation fut interrompue par l'arrivée d'un domestique qui apportait les journaux. Alors on parlait des nouvelles du jour et des intérêts généraux, puis on revint à la campagne de 1812. Cécile, l'aînée des filles de Mme W, redoubla d'attention. Elle regarda Edmond. Elle semblait le supplier du regard. Puis, avec cette résolution qui a chez les femmes quelque chose de si soudain et de si involontaire, elle dit à Edmond « Monsieur, le hasard ne vous aurait-il pas fait rencontrer Monsieur Z, qui a servi dans la dernière campagne? On ne sait ce qu'il est devenu. Personne n'a eu de ses nouvelles. »« Mademoiselle, » répondit Edmond, « vous pouvez rassurer les personnes qui s'intéressent à Monsieur Z, car je l'ai vu au moment où j'étais fait prisonnier. » Cécile ne remercia pas Edmond. Elle se baissa pour ramasser son mouchoir qui était tombé à terre. « La soirée s'avance, » dit Madame W. à son fils. « Monsieur le comte doit avoir besoin de repos. Je lui ai destiné la chambre bleue qui est au bout du château. Là, il n'entendra aucun bruit et pourra dormir tranquille jusqu'à demain matin. Conduis monsieur à son appartement. »« Maman, » s'écria Cécile d'un air effrayé, « ne donnez pas cet appartement à monsieur. Vous ne savez pas ce qui s'y passe. Hier, ma sœur Thérèse a entendu dans la chambre bleue des bruits extraordinaires. Le piano poussait des sons plaintifs sans que personne y touchât. Puis Thérèse a distingué des soupirs, des plaintes. Ah, elle a eu bien peur. Et le vieux Lucas, si vous saviez ce qu'il a vu, il a vu une femme vêtue de blanc qui se promenait dans la chambre que vous destinez à monsieur. « Je voudrais savoir, » dit Madame W., qui ose débiter de pareilles folies à mes enfants. Madame W. sonna et donna l'ordre qu'on fit venir Lucas, son vieux valet de chambre. « Lucas, je vous prie de ne pas effrayer mes enfants, en leur racontant des histoires de revenants. « Madame sait que je ne mens jamais. J'ai dit ce que j'ai vu de mes propres yeux. « Comment, Lucas ?» dit Madame W. en riant. « Vous avez vu un revenant ?»« Oui, madame. Dès que l'horloge sonne minuit, un grand fantôme se promène dans la chambre bleue. Je l'ai vu, et au moment où il s'approchait de moi, j'ai fait un signe de croix. Alors, il a disparu. Du temps de feu, madame la châtelaine, nos anciens racontaient qu'on avait vu un fantôme enchaîné à une pierre du cimetière. Quelques mois plus tard arriva le carnage de Humane. Que Dieu nous garde de pareilles choses. » Sans l'air incrédule d'Edmond, Lucas aurait continué encore longtemps, mais s'apercevant des dispositions de son auditoire, il dit « La jeunesse d'aujourd'hui ne croit plus à rien. De mon temps, ce n'était pas ainsi. Je me rappelle que le neveu de feu Madame la Châtelaine vint ici. Il était militaire aussi, et il maniait le sabre. Fallait voir. Feu le grand général lui accorda le grade de capitaine, et il advint « Lucas, » dit Madame W., « vous conterez votre histoire une autre fois, mais aujourd'hui, allez préparer un appartement pour Monsieur le comte. »« Madame, » reprit Edmond, « je tiens à la chambre bleue. Je ne serais pas fâché de me trouver face à face avec un fantôme. » Lucas hocha la tête et sortit du salon, tout indigné de l'incrédulité du comte. On se sépara, puis Edmond alla prendre possession de la chambre bleue, puisque telle était sa volonté. Tout le monde se moque des apparitions, mais celui qui vous raconte de bonne foi qu'il lui est apparu un fantôme, celui-là, dis-je, vous émeut comme malgré vous. On ne croit pas aux choses surnaturelles. On est trop éclairé pour y croire. On est trop courageux pour en avoir peur. Mais le récit de ces choses vous cause un vague effroi. L'homme le plus brave, le plus déterminé, n'échappe pas à cette impression. Edmond, qui avait fait ses preuves, Edmond, qui avait affronté la mort et qui l'avait vu de sang-froid, se prit à penser à l'histoire de Lucas en se mettant au lit, et avant d'éteindre sa bougie, il plaça deux pistolets sur sa table. Fatigué par le voyage, Edmond ne tarda pas à s'endormir. Mais bientôt la pendule sonna minuit, et il se réveilla en sursaut. Il se met sur son séant, il regarde autour de lui, il lui semble avoir entendu des soupirs entrecoupés. « J'ai sans doute rêvé, » se dit-il. « Non, ce n'est pas un rêve, c'est moi, » répondit une voix. Et à ce moment, Edmond aperçut Julie, pâle, échevelée, et tout enveloppée de blanc. Il entend le bruit de ses pas qui s'approche de son lit. Il voit Julie, il la voit, non pas fraîche et souriante, comme le jour qu'il s'aimait, mais comme une morte. « je rêve !» crie Edmond. « Ou quelqu'un s'est introduit dans ma chambre pour essayer de me faire peur. » « Prenez garde à vous, » dit Edmond. Elle saisit son pistolet. La menace d'Edmond resta sans réponse, et le fantôme fit encore quelques pas. Il n'en peut plus douter, c'est elle. Il la voit devant lui dans son linceul. C'est Julie. À cette vue, sa respiration s'arrête dans sa poitrine. Ses cheveux se hérissent. Une sueur froide tombe goutte à goutte de son front. Son pistolet s'échappe de ses mains et va rouler sur le parquet. Julie fit encore quelques pas et s'approcha du lit. Quand elle fut là, Elle sortit de son linceul, une main maigrie, et prononça ces mots. « Edmond, minuit vient de sonner. Conduis-moi à l'autel. Le prêtre nous attend pour nous bénir. »« Julie !» s'écria Edmond avec désespoir. « Est-ce toi? Est-ce ton ombre? Ne déchire pas mon cœur. Donne-moi la vie, ou fais-moi mourir avec toi. » « Le cœur ? Qui ose prononcer ce mot ? Autrefois, la vie était là. Aujourd'hui, une pierre sépulcrale le recouvre. » Ce furent les dernières paroles qu'Edmond entendit. L'ombre s'évanouit et tout rentra dans le silence. Edmond se lève et cherche dans la chambre. Il allume sa bougie. Il voit son pistolet à terre. Et sur son lit, l'anneau nuptial qu'il avait donné à Julie. Cette horrible scène n'était point un rêve. Edmond tomba à genoux en s'écriant « Mon Dieu, mon Dieu, appelez-moi à vous, puisque toutes les affections sont saintes dans le ciel. »